nous connaître. Un peuple ne doit se soumettre, mais dans la lueur de ses yeux, y en a qu'on cru voir le bon Dieu. Chacun porte en lui cette image d'insolence, de beauté, de courage. Sommes-nous révolutionnaires autour d'une table après des verres? D'une incroyable transparence, très étrange était ton aura, Comandante Che Guevara. Le peuple souffre davantage de liberté, d'autres rivages qui pourraient bien tourner la page. Sans voir Mickey sur les plages. Et si par malheur, par bonheur, fidèle partait en douceur rejoindre son compagnon d'armes, tout combat serait dans les larmes.